Je tenais Agathe par la jambe droite, une bouche inconnue suçait mes pieds. Comble de délices, un collier de cuisses m'entourait de sa peau satinée. Au milieu des râles, des fouets gutturales poussaient les homies et disaient encore. Ça giclait la sève, ça tournait les rêves, on n'était plus rien, rien que des corps. Partout où je suis allé, partout où je suis passé, j'avais jamais connu que des broutilles. À côté de ces filles, c'est mal déchaîné. Je vous donne l'adresse si vous voulez. En fait de lumière, il n'y en avait guère. Pourtant, j'ai vu scintiller deux yeux verts de femme qui m'ont percé l'âme. Je n'ai pas pu me détacher d'eux. D'un bond en arrière, j'ai flanqué par terre tous mes partenaires de luxure. Pris à la feuglette, un jean, une liquette, et je suis sorti sous les injures. Partout où je suis allé, partout où je suis passé, j'avais jamais connu tes amourettes. Et j'ai perdu la tête pour deux yeux entrevus entre quatre mollets velus. Sitôt dans la rue, je l'ai reconnue. Elle avait fait plus vite que moi. C'était si fragile, comme des imbéciles, on nous a bougé, ni elle, ni moi. Soudain, le miracle de verrou qui racle, un petit bar ouvre ses volets. On a couru comme des fous jusqu'à l'homme, on lui a même moulu son café. Partout où l'on raconte notre folle rencontre, l'immense amour qui depuis nous ravage, on lit sur le visage de ceux qui nous écoutent quelque chose qui ressemble au doute. Si vous ne nous croyez, allez donc vous faire foudre partout, partout où vous voudrez.